Chapitre 1. Comme Cyril Goron se promenait sur la berge, un homme passa qui lui tendit la main. En voilà un brouillard. Si c'était comme ça du côté d'Harfleur, il n'y a pas du mal à entrer dans la passe. C'est pas étonnant que l'éclair soit en retard. V'là plus d'une heure que je l'attends. Et qui ne fait pas chaud à ce matin, père Cendré. Il n'y aura pas beaucoup de voyageurs pour Rouen. Quand il fait mauvais temps, j'ai vu des fois la mère Bidelle monter toute seule au Havre, avec ses paniers de poissons qui puent. Elle descend à Caudebec, et le bateau va tout vite jusqu'à Rouen. Faut-il tout de même que vous soyez là ? Tout de même, en cas qu'il y aurait des voyageurs pour Jumiège, des English, qui voudraient voir l'abbaye. Mais vous, attendez-vous quelqu'un ? On ne vous voit jamais sur le bord de l'eau. C'est-il vrai que vous en avez peur ? C'est vrai, ma foi. Vous seriez pour bon Mathurin. Écoutez donc, on dirait que v'là notre affaire. Quand on ne voit pas, on entend. V'là l'éclair qui vient. Une barque flottait, au pied de la berge, attachée à un piquet. Par une corde, le père Cendré y sauta lourdement, et, l'ayant détaché, s'éloigna en s'aidant d'un aviron appuyé sur le talus. Si vous tombiez à l'eau tout de même, ou bien si vous butiez contre les roues du bateau. On connaît ça, il n'y a pas de danger. La barque disparut dans le brouillard épais qui montait de la Seine. Un clapement rythmique s'entendait. Au bout d'un instant, le bruit cessa. Puis une voix cria « Jumiège !» Un autre répondit « Personne, mon vieux, de ce temps-là » C'était bien la peine d'attendre une heure. Cyril Goron cherchait à voir dans le brouillard, mais il ne pouvait apercevoir ni le vapeur, ni la barque du père Cendré, le passeur. « Quel métier !» se dit-il. « Toujours vivre sur l'eau, à tout moment être exposé à mourir. Le père Cendré se fait vieux, qu'un étourdissement le prenne dans sa barque, et puis c'est fini. Un bouillon, et les autres, ceux du vapeur, qui pendant 6 mois de l'année vont du Havre à Rouen, et de Rouen au Havre, qu'ils se jettent sur un banc de sable à l'embouchure, et puis bonsoir. Quant aux vrais marins, à ceux qui parcourent les mers lointaines, ils n'osaient y songer. Depuis 10 ans qu'il habitait Jumiège, il n'avait qu'une distraction, voir passer les bateaux. Mais jamais il ne s'était approché du talus, craignant un faux pas. Cette terreur insurmontable, il l'avait eue étant enfant. À 3 ans, un jour que sa mère avait voulu lui faire prendre un bain dans une cuve qui servait de baignoire à la famille. Comme il criait, se débattant, sa mère qui le tenait l'avait lâché du bras droit pour le fesser. Il avait alors glissé dans la cuve et failli s'y noyer. C'était le seul bain qu'il eut pris de sa vie. Pendant qu'il songeait, un sifflement enroué perça le brouillard. Progressivement, le choc rythmique des roues battant l'eau retendit et cessa. Une forme brune émergea. C'était le père Cendré qui revenait. « Vous allez vous enrhumer, maître Cyril. Les matinées de juillet, avec du brouillard, ça ne vaut rien. Tant que le soleil ne se lève pas, c'est du temps de septembre. Alors, pas d'English ? Pas un. C'est pas mon affaire. Un qui vient, un qui s'en va, ça me ferait 40 sous pour les embarquer, et 40 sous pas mal reçus. Faut que je paye mon terme en rentrant. Ça vide les tiroirs. Vous ne vous en doutez pas, vous, recevoir et donner, ça fait 2. » Et le père Cendré ajouta en riant. « Tiens, je me demandais ce que vous faisiez là, sur le bord de l'eau. Vous attendiez voir si votre fermier va pas avoir peur du brouillard pour vous apporter son terme ? C'est-il ça ?» Tout juste, reprit Cyril Goron, avec un sourire. Il attendra que vous alliez le chercher. C'est un malin qui gardera son argent longtemps comme ça, est-ce pas? Tout le monde savait dans le pays que le propriétaire, n'osant passer l'eau, n'avait jamais vu sa ferme, située de l'autre côté de la Seine. Comme il n'y a pas de pont avant Rouen, il avait jugé ce voyage trop dispendieux. Sa femme y allait seule. De temps en temps, et le fermier venait le voir pour payer les termes et faire quelques visites intéressées. Le père Cendré enroula la corde qui retenait sa barque autour du piquet et, après avoir rejoint le propriétaire, lui dit en marchant vers le village. « Il va être 8 heures et il n'y aura pas d'eau aujourd'hui. C'est mieux que la brume se lève tard. »« Pas pour les foins toujours. Ça les mouille, » dit une grosse voix derrière eux. Cyril et le père Cendré se retournèrent. Ils virent le fermier accostant sa barque près de celle du passeur, et qui, dans le brouillard, était arrivé inaperçu.